Bonsoir. Groupe exceptionnel ce soir à Raoul l'étape. Ils sont restés absents pendant près de deux ans d'essai mondial. Je vous demande de leur faire un triomphe. Thank you.